Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques électriques, bizarres, diverses et souvent variées, c'est donc Lost in Space, sur les ondes du 100 FM de Radioactive à Toulon et dans ses environs. Et donc, nouvelle émission ce dimanche soir à 21h tapante, que l'on pourrait qualifier de Madeleine de Proust, car effectivement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un groupe de mon quartier, donc de la banlieue lyonnaise, des années 1980, un groupe qui s'appelait Printemps 45, avec de fortes influences cold wave, post-punk. Et en fait, il n'y a eu finalement pas d'album, pour être que les choses soient claires. Un seul morceau enregistré dans des conditions, on va dire, dignes de studio, sur un 4 pistes. D'ailleurs, c'est celui qui ouvrira le bal ce soir. Et le reste, en fait, à chaque fois qu'on en écoutera, ce seront des répétitions enregistrées sur des postes à cassette. Donc, peut-être pas forcément le meilleur son possible. Mais en tout cas, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Donc, dans ces conditions, on va dire, cold wave française, post-punk, retour dans les années 80. Et c'est parti! Come into my heart. here we are on the runway to passion, as advertised every time we have kissed. No more joking, now it's time for plain talking. Here's a chance to find out what we missed. Who hesitates is soft. Now are you ready to go aloft? But a funny thing happened on the way up to bed, and it wasn't what you did, and it wasn't what you said. My desire, well, I'm presumed dead. It's another sad case of love in the head, love in the head, love in the head. Below the safety belts. I said, who hesitates is lost. Now have you got your fingers crossed? But a funny thing happened on the way up to bed, and it wasn't what you did, and it wasn't what you said. My desire, presumed dead. It's another sad case of love in the head, love in the head, love in the head. Take off the full black sport. So much of fatal attraction, I was killed in action. Just another sad case of love in the head, love in the head, love in the head. Sans distinguo, sans distinguo, sans distinguo, non. fatal, un dame intérieur rapport. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que vous m'avez demandé. Si, il me semble, hein, je vous avais demandé de ramener les preuves de votre présence en France depuis les 10 dernières années. Voilà. Donc je ne vous ai pas ramené les originaux, je n'ai même pas ramené toutes les photocopies parce que comme ce matin on était pressé et l'assistante sociale elle avait le cartable, mais ce n'est pas grave, je vous ai ramené le récapitulatif. Bye.

Lorsque Patrick a pris la raison de mon enfermement, il s'intéressa à mon histoire avec la bienveillance d'un compagnon du devoir, prenant connaissance des premières tentatives maladroites de son apprenti. Lorsque j'eus terminé mon modeste récit, il se gratta le lobe de l'oreille droite, dévoré par un eczéma rougeoyant. « À te voir, je croyais pas que t'étais capable d'un truc pareil. T'as bien fait, c'est sûr et certain. Moi, je l'aurais tué. » Couleur de gel. animal vénéré d'un nouveau monde absolu. Avec ta beauté pousse un parure dans les yeux de ton univers. Un parfum de jasmin dans ta fourrure, tu songes au val de la mer. Et tu t'étends les paupières closes, plus proche de l'antidémon mauve. Précieuse comme l'objet de ton amour de fauve, menant à une union noire et rose. Solitaire désormais, grand air.

Thank you. celui dont je tairai le nom. Quel qu'il soit, quoi qu'il cache, agit sur l'homme, sur les moutons, comme un coup de cravache. Tous ceux qui s'expriment en son nom, où qu'il soit, quoi qu'il dise, s'instaure maître de la raison, aime les âmes soumises. Oh le sage, tu sais que tu es sage. Avec ton courage, tellement seul, tous ceux qui subissent en son nom, par peur ou par faiblesse, gloire sous les discours, les sermons. Joue de leur détresse, tous ceux qui agissent en son nom, quel qu'il soit, quoi qu'il fasse, de prendre les gens pour des pions, jamais ils ne se lassent. Oh le sage, sais que tu es seul. Avec ton courage, follement seul, follement seul. En un mot, établir ses limites, remettre en question ces trois thèmes de l'origine, du sujet et de la signification implicite, c'est entreprendre, tâche difficile, d'extrême résistance le prouve bien, de libérer le champ discursif de la structure historico-transcendantale que la philosophie du XIXe siècle lui a imposée. Thank you. Church of my soul, my head holds a temple and a falling crown. I am pure of heart, but salvation ain't enough. I'm destined to live in this street of shame. One last nail. I'm trying to use my halo as a life preserver, but it's sprung a leak. This is holy. rien ne m'étonne, je flirte avec la folie. Tendance au maquillage, le corps entier s'y adonne, glisser même une double vie. La solution ultime de mon visage diaphane, le monde image s'efface. Tendance au maquillage, une bouche filigrane qui ne laisse plus aucune trace. La solution ultime. Se noie dans le blanc des yeux. Tendance au maquillage, un regard désabusé qui cache l'écran ténébreux. La solution ultime, un doute de déraison, un désir peu banal. Tendance au maquillage, un sourire de dérision, retour à la normale. La solution ultime. Effacer les oppositions peu réfléchies. En voici quelques-unes par ordre d'importance croissante. L'opposition entre la vivacité des innovations et la pesanteur de la tradition. L'inertie des connaissances acquises ou les vieux frayages de la pensée. L'opposition entre les formes moyennes du savoir qui en représenteraient la médiocrité quotidienne et ces formes déviantes qui manifesteraient la singularité ou la solitude propre au génie. L'opposition entre les périodes de stabilité ou de convergence universelle et les moments d'ébullition où les consciences entrent en crise, où les sensibilités se métamorphosent, où toutes les notions sont révisées, bouleversées, revivifiées, ou, pour un temps indéfini, tombent en désuétude. À toutes ces dichotomies, je voudrais substituer l'analyse du champ des différences simultanées qui définissent à une époque donnée la dispersion possible du savoir et des différences successives qui définissent l'ensemble des transformations, leur hiérarchie, leur dépendance, leur niveau. Là où on racontait l'histoire de la tradition et de l'invention, de l'ancien et du nouveau, du mort et du vivant, du fermé et de l'ouvert, du statique et du dynamique, j'entreprends de raconter l'histoire de la perpétuelle différence. Plus précisément, de raconter l'histoire des idées comme l'ensemble des formes spécifiées et descriptives de la non-identité. Et je voudrais l'affranchir ainsi de la triple métaphore qui l'encombre depuis plus d'un siècle. L'évolutionniste, qui lui impose le partage entre le régressif et l'adaptatif. La biologique, qui sépare l'inerte et le vivant. La dynamique, qui oppose le mouvement et l'immobilité. Thank you. Des impasses, des impasses, impasses, des rues, Thank you. Alors seulement, j'ai allumé mon interface cérébrale et ajusté mon bonnet et mes gants. Toutes mes électrodes sont opérationnelles. Le système de contrôle toujours aussi fluide. Je n'ai même pas eu à toucher au volume. Le bruit ambiant reste bas, bien que parfaitement audible. J'ai rapidement repéré la fréquence de la ventilation, dont j'ai éliminé le ronronnement rond. J'ai claqué des doigts pour estimer les plans de réverbération et lâché quelques bams assez amples qui m'ont situé la distance des quatre murs et du plafond. La brillance des deux parois vitrées dans le grand axe se distingue bien des murs latéraux que la surface des livres rend élastique dans leur rebond et assez doux. Ce bruit de jupe plissée si net, je viens de l'entendre une deuxième fois. Je le lis pourtant différemment. Plutôt l'effeuillage des pages d'un livre par la tranche avec le pouce. Ou encore le battement rapide de deux ailes de papier à vitesse variable. Real thing. It touches my desires in a deep blue sea. I can imagine anything with a real thing. J'aime former des images. Ça m'aide à mémoriser, à qualifier les bruits structurés et à suivre leur évolution en les affectant d'une identité dynamique. Il ne faut pas trop figer non plus, éviter de se cristalliser sur une seule vision, sinon on perd l'aptitude à épouser les métamorphoses. Sometimes I'm dreaming. J'ai attendu, laissé glisser une plaque de temps. Je le maquille, mon visage un peu dans son monde. À l'arrière-plan, les sons avaient repris leur vie complexe, étonnamment tonale. Après une longue plage sans bouger, ce qui était l'empreinte indiscutable des furtifs se fit entendre à travers toute la bibliothèque. Quelle empreinte ! Une forme de polyphonie rythmique des échanges, faite de salves et de contrepoints, scandés par des syncopes, des cris de matière, des petits pas, des appels, nappés, du bois qui mute. Un jeu presque, qui s'en dégageait à force de lier par les oreilles ce qui semblait d'abord parfaitement et délibérément disjoint. Ça faisait penser à du jazz très expérimental, voire à de la musique concrète, imprévisible bien sûr, sans cadence ni temps pulsé, mais dont l'unité cependant finissait par être sensible. Sensible grâce à la texture très proche de la plupart des sons, qui tous réfractaient la matière dominante du lieu où les furtifs constamment puisaient pour se transformer. Dans cette bibliothèque par exemple, le son texturait le papier, le cuir des reliures et le bois moderne des étagères, qui ne pouvait qu'être le cœur des métamorphoses physiques, même s'il m'arrivait par moments des sons minéraux, du verre essentiellement. Qui reviennent souvent, qui me détendent de l'ombre. is about a sculptor who kills his girlfriend. To put down the phone. Still, I felt that there must be a body behind the silence of this absent caller. And if there was a body, then there must be a space. And if there was a space, then I could feel it somehow. Violent, I demand sans argent. Rising is a smooth wall, and which rejected illusions drip that once drove him along.

trois, à trois, à trois dans les water. Armed through the telephone, they can cross vast distances and times. Eventually, they will call themselves gods. The price for this naming is death, because you cannot be in two places at once. And it is death, the hand, the mouth, and the ear of a live wire. Thank you. I woke up this morning and walked to the wall. Hard object. The size of the guns did not worry me at all. Hard object. The beauty of the morning was a wound still ahead. Hard the gaunt stab of weapons and things better left unsaid. Ooh. Living in the shadow of hard object. Carving out a road with hard another cut or two hard with object. I was living at the heart in one room space, right, with a badly twisted body and infected face, right, a hole in the ribs that exposed the jungle blood. Oh, what it is to be young, and threatened their night by, just suffering a death by, hung about and waited with. Well, the front page is full to the flags have been raised. Bomb is a blunt instrument in the hands of disturbed children playing for marbles. A law is a blunt instrument for the use, as they so wish, of those in a position of authority. The mass media is a blunt instrument in the hands of men whose sole desire it is to rob a bank. Economy is a blunt instrument with which the politically wealthy can have the poor or subservient systematically beaten to ensure the minimum resistance. Desire and affection are blunt instruments effectively employed by professional journalists whose hands are permanently stained with the hypocrisy of printers' ink. Education is a two-edged weapon. After a certain point, those in power want to keep their exclusive use. And the voice of protest and dissent is the only weapon possessed by the majority of victims. And it's lying unused at the feet of the people who are too busy living and dying to follow the victims. Remettre en question le thème d'un sujet souverain qui viendrait de l'extérieur animer l'inertie des codes linguistiques et qui déposerait dans le discours la trace ineffaçable de sa liberté. Remettre en question le thème du subjectivité qui constituerait les significations puis les transcrirait dans les discours. À ces thèmes, je voudrais opposer le repérage des rôles et des opérations exercées par les différents sujets discourants. watching trees. It's a fool who doesn't see what I say, watching trees. It's about dreams. Oh, this feeling, forgotten memories. This watching you, watching trees. Pour combler leurs dettes, certains hôpitaux ont troqué le serment d'Hippocrate contre les lois du marché. Discount securities as well. Peace to out for Brazil. Bicycles and pictographs and this. So secure the world is now. He shot their skin, saw the crowd south, he read his heart to kill. The father south, save our shells, he's carrying out the spell. Scare the south, scare the south. The grass of benefits out. Silver hills, the sounds of south. Rising rain, the rising south. Oh, it's so far as the cross is low. Can you hear the sound? Can you write the sound out? That's right. Say fire outside of bed, outside of bow, inside your mind, saw the face of toe. The high blue ghost is gonna rise that sound, gonna rise that sound. It's still sound, it's gonna rise that sound, it's gonna sound of bow. This is good, that's all. What a sign of God, so to pay. What a great sound. This is gonna rock us all. Woo! This is called a row. Don't get me.